fait tomber dans la vie. T'es bien trop figre les ticam. Ticam décide si tellement rêve. Tout ça le possède, c'est pour moi. C'est une victime qu'on fait la ligne. Les points passagers à tout prix. Pour des sapins, moins belle costume. Pour des sapins, moins nourriture. Pour des sapins, moins belle costume. Pour des sapins, moins nourriture. Après ça, je viens de faire chance. C'est pas quand même des ouais dans les yeux. Son seul idée m'a bien pensé. Comme ta folle les couilles rondelles. Yo, je me chie d'après les ticam. Moi, je dis chérie, n'a pas de ça. Cocotte chérie m'a voyagé. On va besoin de courage. Cocotte chérie m'a voyagé. On va besoin de courage. Voyager, chérie, c'est que t'en as ouais. Voyager, chérie. Ou pas besoin de courage. Voyager, chérie, c'est que ton ouais. Voyager, chérie, c'est que ton ouais. Na ouais, na ouais, na ouais, yon jour na ouais. Voyager, chérie, c'est que ton ouais. Voyager, chérie, c'est que ton ouais. Now what?